La web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo vous présente l'émission Les Experts. David Christoffel reçoit Jean-Bernard Elzière pour évoquer le livre Le décodage des chansons de gestes et des romans courtois. L'ensemble Douce Mémoire interprétant la courtoisie de Roland de Lassus. Bonjour Jean-Bernard Elzière. Bonjour, je suis heureux que vous m'accueillez ici. Oui, vous êtes l'auteur du décodage des chansons de gestes et des romans courtois des 12e et 13e siècles. S'il y a besoin de décodage, c'est que vous supposez et vous affirmez et vous montrez que les chansons de gestes et les romans courtois sont codés. Ce qui est original, et pour préciser comment est-ce que c'est original, peut-être est-ce qu'on pourrait repartir des travaux à l'époque romantique qui se sont portés sur les chansons de gestes et les romans courtois pour expliciter à quel point c'était ou pas des récits historiques. Alors, simplement avant ça, peut-être rappeler qu'est-ce qu'un roman courtois ? En préalable, je dois dire que quand j'ai débuté mon travail, je ne connaissais absolument pas l'historique de ce domaine. C'est-à-dire, je ne connaissais pas les précurseurs que sont des gens comme Gaston Paris, Joseph Bédier. En fait, je me suis lancé dans cette aventure, si j'ose dire, sans du tout connaître quoi que ce soit véritablement sur la littérature médiévale, sur les romans courtois, les chansons de gestes. C'est une toute autre approche que j'ai eue. Qui venait de l'histoire. J'ai beaucoup travaillé pendant plusieurs années sur l'histoire en général, mais autour des années 2000, sur la période mérovingienne et la période carolingienne. Alors, avant d'en venir à votre travail, de préciser qu'est-ce que vous avez fait avec ces textes et comment vous les avez explorés, et même avant de dire qui sont ces auteurs que vous dites de base, dont Gaston Paris, Joseph Bédier, qui ont défriché ces questions, j'aurais vraiment qu'on rappelle le genre roman courtois, c'est-à-dire c'est des gens comme Chrétien de Troyes. Ah oui, d'accord, voilà. Donc, on distingue en gros chansons de gestes et romans courtois. Les spécialistes caractérisent les deux formes dans les chansons de gestes. C'est très violent, c'est genre la chanson de Roland, il y a des combats, des choses comme ça. Et après, Plus tardivement, on parle de romans courtois. Là, ce sont des histoires d'amour, c'est beaucoup plus humain, beaucoup plus. Voilà, ce sont deux genres qui sont complètement différents, mais en fait, ce sont des distinctions, si j'ose dire, plus ou moins modernes, car ces textes sont appelés par les auteurs des contes, des chansons, des romans, des histoires. Voilà. Et des histoires qui, à ce moment-là, c'est-à-dire au XIIe, XIIIe siècle, commencent à être écrites. Et l'un des débats que vont avoir les philologues du XIXe siècle, comme Gaston Paris ou Joseph Bédier, est de dire que le passage de l'oralité à l'écrit va questionner l'historicité réelle de ce qui est raconté dans ces histoires. Oui, sauf que le problème est mal posé par eux, puisqu'ils parlent du passage de l'oralité à l'écrit et que ce n'est a priori, d'après mes travaux, absolument pas la question. Il n'est pas question de passer de l'oralité à l'écrit. C'est tout autre mécanisme qui est en cause dans cette affaire. Comment vous avez fait, vous, pour découvrir que c'était pas ça qui s'était complètement passé ? Voilà. Alors, en gros, on va pouvoir dire que, faisant de l'histoire, à une époque, je me suis beaucoup intéressé à l'abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert, Guillaume de Gélone, qui est un comte de l'époque carolingienne, donc un personnage historique de l'époque carolingienne. Et j'ai fait des articles, des travaux sur ce personnage. Et ce personnage est en fait le héros d'un certain nombre de chansons de gestes, sous le nom de Guillaume d'Orange, Guillaume de Narbonne, Guillaume au Cournet. Donc, je ne voyais pas tellement de rapport entre sa vie et ce qu'on dit dans les chansons de gestes, ou le concernant. Bon. Et puis, bon, ça faisait très longtemps que j'étais quand même intéressé, interpellé par cette histoire de la chanson de Roland, ces récits concernant Guillaume d'Oran. Et j'ai commencé à un moment précis, donc vers 2000-2004, à regarder de plus près la chanson de Roland. Donc, qui est une chanson de geste, un très très beau texte, enfin qui est connu comme étant un des plus beaux textes de la langue française, si j'ose dire, bien que ce soit en anglo-normand. Et ayant pendant des années travaillé, fait de l'analyse de données, ayant une formation scientifique, ayant un certain background, entre guillemets, historique, puisque je fais de l'histoire depuis 30 à 40 ans, depuis ce temps-là, j'ai commencé à publier dans les années 75, 80, des ouvrages, mais sur d'autres époques. Bon. Et à ce moment-là, j'ai regardé de plus près la chanson de Roland. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont inquiété, si j'ose dire, qui m'ont interpellé ouais, ouais. Dans ce texte. Quel genre de choses ? Voilà. Alors, vous savez, des dysfonctionnements, si j'ose dire. Tout le monde sait que, par exemple, ce texte est censé évoquer le passage des Pyrénées en 778 par l'armée de Charlemagne, avec la mort de Roland. Bon. Et cet événement est connu historiquement, rapporté par un chroniqueur. Ce texte, ce récit de la chanson de Roland est 4000 vers, énormément d'événements, de personnages, de lieux, et tout ça étant très très étrange. C'est-à-dire, hormis le passage des Pyrénées par l'armée de Charlemagne et la mort de Roland, tout le reste, il n'y a absolument rien d'historique dedans. Donc, je me suis posé des questions. Et j'ai regardé de plus près ce texte-là. Je me suis dit, on ne peut pas inventer une histoire pour ne rien dire. On n'est pas une époque où on veut distraire les gens. On ne cherche pas à avoir le prix Goncourt. Et voilà. Donc, quand on écrit à cette époque-là 4000 vers, il faut des parchemins, des plumes, du temps, du bois dans la cheminée, etc. etc. Bon. Donc, est-ce qu'il y a, il n'y aurait pas quelque chose qu'on ne comprend pas ? Hein, sachant que je ne savais rien sur les chansons de geste et les romans courtois. À ce moment-là, j'ai regardé de près ce texte, les personnages, les événements, les lieux, et j'ai vu étonnamment, ah oui, sachant que, connaissant à peu près bien l'histoire du Midi, je me disais, bon, ça n'a rien de méridional. Et en regardant de près ce récit, je voyais poindre leurs oreilles les Danois et les Normands en permanence. L'auteur, enfin celui qui signe le texte s'appelle Turold, le manuscrit est à Oxford, le principal manuscrit est à la Bible. De la fin du XIe siècle. Et, alors qu'on dit être de la fin du XIe siècle, mais je vais trouver qu'il est plutôt de la première partie du XIIe siècle. Donc le manuscrit est à Oxford, Turold, anglo-normand, Roland. Dans ce texte, il est question de traîtres. À l'époque carolingienne, on n'a vraiment pas de traîtres. Bon. Et, enfin, un certain nombre d'éléments de ce genre-là m'ont poussé à émettre l'hypothèse d'un éventuel codage du texte. Mais une pure hypothèse scientifique, à valider ou à invalider. Hein, et ayant beaucoup travaillé sur les systèmes d'équations matricielles, vous savez, ce qu'on apprenait en classe, les résolutions de systèmes d'équations, je pouvais faire virtuellement on va dire, 50 personnages, 50 lieux et 30 événements, un système d'équations. Et si j'arrivais à résoudre ce système, c'est-à-dire à trouver qui pouvaient être les personnages, où pouvaient être les lieux et quels pouvaient être les événements, je pouvais rentrer dans la pensée d'un auteur qui aurait codé le texte. Hein. Donc c'était une pure... Je ne savais pas du tout où j'allais. Voilà. Ça a été le point de départ de ce travail. Alors, avant de découvrir ce que vous avez pu mettre à jour sur la figure de Roland, on va écouter un extrait d'un opéra de Vivaldi qui s'appelle Orlando Furioso, qui est justement inspiré de ce Roland et qui en fait une figure de héros un peu fou. Profondo, c'è con mondo. L'air d'Orlando par Magdalena Kogena, extrait de Orlando Furioso d'Antonio Vivaldi. Jean-Bernard Elzière, on parle donc de votre ouvrage « Le décodage des chansons de gestes et des romans courtois ». Vous posez l'hypothèse qu'il y a codage. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert dans la chanson de Roland ? Bien. En émettant l'hypothèse que ce récit pouvait être un récit à clé, quelle clé, je n'en savais rien, et en voyant l'importance des Danois et des Normands, a priori, qui pointaient à travers ce récit, j'ai émis l'hypothèse que l'Espagne pouvait correspondre peut-être à la Normandie ou à l'Angleterre, et que Charlemagne pouvait être Guillaume le Conquérant. Voilà, puisqu'on dit que le texte date des années 1100, en tout cas le manuscrit d'Oxford. Et en injectant dans le système dont je parlais virtuel d'équation, Espagne égale Normandie ou Angleterre, et Charlemagne égale Guillaume le Conquérant, j'ai commencé à essayer de faire une corrélation entre les personnages, les lieux, les événements, les grands thèmes de la chanson de Roland avec ce qui se passe à l'époque de Guillaume le Conquérant, c'est-à-dire, grosso modo, une époque centrée sur la conquête de l'Angleterre en 1066. Et alors, ça a été très très difficile, hein, parce qu'il y a beaucoup de leurres. Dans la chanson de Roland, on vous parle de deux batailles. Alors au début, j'ai pensé que c'était les deux batailles, Hastings et Stamford Brook, qui était une bataille qui a précédé Hastings. Mais en fait, ce sont d'une certaine façon des leurres, ces choses-là. Voilà. Mais assez rapidement, en quelques mois, j'ai pu identifier Roland. Parce que Roland a des caractéristiques dans la chanson de Roland. Il est très proche de Charlemagne, c'est un de ses officiers, très aimé, etc. Donc j'ai pu identifier Roland comme étant William Fitzosborne, un Normand, un officier de l'armée de Charlemagne, qui en fait était un personnage assez cruel, qui a pris York, etc., qui est très connu par l'histoire. Et assez rapidement aussi, j'ai pu identifier Ganelon, le traître Ganelon, qui est un Earl de Northumbrie, qui a été fait prisonnier, enfin qui a fait sa reddition lors de la prise d'York en 1069-1070, et qui est passé du côté de l'armée de Guillaume le Conquérant, qui lui a donné sa nièce, enfin une de ses parentes, et qui a été obligé de servir Guillaume le Conquérant, alors que c'était quand même un proche des Écossais, des Northumbriens, etc. Et donc tout commençait à prendre forme, et de fil en aiguille, parce que à partir du moment où j'ai Roland égale Guillaume Fitzosborne, Ganelon égale Waltheof, je peux de plus en plus rentrer dans la corrélation récit-histoire, peu à peu mettre au point une cartographie, identifier d'autres personnages, identifier Marsile, les ambassades. Alors Marsile, c'est Edgar Lettling, qui est celui qui a succédé à Harold qui a été tué à la bataille d'Hastings. Bon, et après, de fil en aiguille, on arrive et alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que au bout d'un moment, on voit que ce récit concerne la célébration par les Normands de la conquête de l'Angleterre, et on retrouve, comme par hasard, Turold, qui est un... Alors, je ne sais pas si je peux vous parler de ça précisément maintenant, mais Turold, qui est un ancien évêque de Bayeux, qui a succédé à l'évêché de Bayeux au demi-frère de Guillaume le Conquérant, et qui passe sa retraite à l'abbaye du Bec-et-Loin en Normandie à partir de 1105-1106 jusqu'à sa mort quelques décennies plus tard. Et donc, et en regardant le codage géographique, j'ai vu que probablement Saint-Denis était l'abbaye du Bec-et-Loin en Normandie. Et donc, donc le récit semble avoir été rédigé par ce Turold, ancien évêque de Bayeux, qui effectivement a une formation et qui est au Bec-et-Loin, qui est quand même la des plus grandes abbayes de l'époque, et avec une immense bibliothèque, et qui fournit les archevêques de Canterbury. Donc, l'hypothèse... Alors, en plus, à l'intérieur du récit, vous avez tout un tas d'indications, et je voyais que la rédaction du récit pouvait se terminer dans les années 1130-1135, si je ne m'abuse. Enfin, il faut regarder. Oui, c'est ça, ce que vous dites. Oui. Mais alors, exactement la même manière, c'est là que votre méthode devient explosive, c'est qu'elle peut s'appliquer à d'autres écrits exactement de cette période-là et faire des découvertes de grande ampleur également, puisque juste après la chanson de Roland, vous avez commencé à étudier les figures d'Arthur et Merlin dans les prophéties de Merlin, dans les écrits de Geoffroy de Monmouth, et là, vous découvrez effectivement que derrière les prophéties complexes qui peut y avoir dans ces textes, il y a en fait l'histoire ecclésiastique de la partie nord de la Grande-Bretagne. Voilà. Alors, des 11e fois, et 12e siècle aussi. Ouais, ouais. Une fois que j'ai travaillé sur cette chanson de Roland, cartographié, identifié la plupart des personnages, disons que 80... Mais il m'a fallu après des années pour préciser des points précis. Hein. Mais en tant que scientifique, entre guillemets, j'avais une boîte à outils et je me suis posé la question de savoir est-ce que, puisqu'on a peut-être 200 récits du type de la chanson de Roland pour le XIIe et le XIIIe siècle, si ce n'est plus, je me suis dit, est-ce que ce que je mets au jour dans la chanson de Roland est valable pour d'autres récits ? Et donc, c'est ce que disait Claude Bernard, une expérience doit pouvoir être renouvelée. Donc, j'ai pris dans le corpus des chansons de geste et des romans courtois une quinzaine de récits qui allait former un échantillon représentatif. Hein. Alors, je n'ai pas pris les plus simples, j'ai pris les plus difficiles, si j'ose dire, les plus représentatifs. Donc, en allemand, alors que je ne parle pas allemand, en latin, en occitan, en français, et un texte de Chrétien de Troyes, qui sera le conte du Graal, suivi par l'autre texte concernant le Graal, qui est l'histoire du Graal de Robert de Boron. J'ai pris en occitan Flamenca et Geoffrey, et puis en allemand, donc le Nibelungenlied. Je ne parle pas allemand, mais on dispose de très bonnes traductions, de très bonnes éditions, donc ça n'est pas un problème. Enfin, ça n'était pas un problème pour moi. Hein. Voilà. Et notamment, je me suis intéressé à l'œuvre de Geoffroy de Monmouth, dont vous parlez, qui était chanoine à Oxford et qui a écrit trois œuvres considérables au XIIe siècle. Lui est bien connu, il était donc chanoine à Oxford, et il a écrit successivement « Les prophéties de Merlin »,« L'histoire des rois de Bretagne » et « La vie de Merlin ». Tous ces textes étant rédigés en latin. Ce qui vous a donné envie d'identifier qui, historiquement, étaient Merlin et Arthur. Tout à fait, puisque c'est lui qui est le véritable créateur d'Arthur et Merlin, les personnages littéraires qu'on connaît. De même que Turold est le créateur du Roland qu'on connaît. Hein, parce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais Roland, c'est un, à l'époque carolingienne, c'est un personnage parmi 300 autres du même type. Hein. Voilà. Donc, j'étais tout à fait intéressé par Geoffroy de Monmouth, parce que je me disais, si je peux identifier Arthur et Merlin, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, inutile d'attaquer par le premier texte, la première création de Geoffroy de Monmouth, qui était les prophéties de Merlin. Et c'est un récit qui, si vous voulez, vous avez un certain nombre de prophéties incompréhensibles. On vous parle de la femme germanique, du serpent, de la fontaine de je ne sais quoi, du sanglier, de Cornouailles. Vous c'est ne comprenez parce rien. Que c'est incompréhensible que l'on pense que ce sont des prophéties. Ben, voilà, ça a été conçu comme ça. Mais en fait, les prophéties à cette époque-là sont toujours... Comme on parle de choses qui sont antérieures, on va raconter des événements réels qui se sont passés avant la création des prophéties. Voilà, la rédaction ou la... Voilà, des prophéties. Donc, ne pouvant pas m'occuper des prophéties, je me suis attaqué à l'histoire des rois de Bretagne, qui est un récit en latin, en prose, très long, qui s'étale sur des siècles et des siècles, enfin, en caricaturant, disons qu'on part de l'époque romaine et on va jusqu'au 5e, 6e siècle. Hein. Voilà. Voilà. Donc, mais j'attaquais ce récit avec une boîte à outils qui m'avait été donnée par le décodage de la Roland. Chanson de Roland. Voilà. Et alors ? Et alors, Il se trouve qu'à la fin de ce récit, donc à la fin de la période des siècles, des premiers siècles de notre ère, puisque ça commence un peu à Brutus, César, etc., et ça se termine à Arthur, qui meurt à un moment en 542, sous la plume de Geoffroy de Montmousse, je me suis dit, comme Arthur et Merlin arrivent à la fin, ce doivent être des personnages contemporains de Geoffroy de Montmousse. Et comme Merlin est un personnage qui sait tout, qui est extraordinaire et tout, j'ai regardé qui pouvait correspondre à ce profil à l'époque de Geoffroy de Montmousse. Et je suis assez rapidement tombé sur un abbé cistercien extraordinaire qui s'appelle Ælred de Rivaux. Je suis allé en Angleterre, j'ai été sur les Saint-Lieu, etc. Et Ælred de Rivaux, en fait, j'ai émis l'hypothèse, comme j'avais fait pour Charlemagne et Guillaume le Conquérant, j'ai émis l'hypothèse que Merlin pouvait être Ælred de Rivaux. Et vous allez voir plus tard, c'était une erreur. Mais l'erreur conduit souvent à la vérité, si j'ose dire. Donc en étudiant Ælred de Rivaux, j'ai vu qu'un de ses proches était un personnage qui était le beau-fils du roi David d'Écosse et qui était aussi un ecclésiastique très important puisqu'il a terminé sa vie comme abbé cistercien de Melrose et que c'était, il s'appelait Waltheof. Waltheof, le même nom que celui de Ganelon dans la chanson de Roland et qui s'est avéré qui était en fait le petit-fils de ce Ganelon de la chanson de Roland, enfin du Waltheof de la chanson de Roland. Et en fait, j'ai émis l'hypothèse à ce moment-là, en voyant la vie de ce Waltheof, la vie réelle que l'on connaît, historique, que ce pouvait être Arthur. Mais sur quoi vous avez pu faire cette analogie ? Eh bien, en comparant ce qui est dit sur Arthur par Geoffroy de Montmousse, sa naissance, allégorique. Sa naissance, le fait, parce que Geoffroy de Montmousse donne des périodes, des années, si vous voulez. Le fait que, par exemple, il va passer pendant un certain nombre d'années faire des missions en Gaule, des choses de ce genre-là. Donc, en corrélant la vie de Waltheof avec ce que dit Geoffroy de Montmousse, j'ai pu me rendre compte, peu à peu, que Arthur était très certainement Waltheof. Et comme je l'ai fait pour Roland, j'ai pu peu à peu constituer une géographie. Et puis, avec cette géographie, remonter le temps dans l'histoire des rois de Bretagne. Ce qui m'a permis, par exemple, d'identifier... Ça a été très long, là je vous donne le résultat, hein, mais ça a duré des mois et des mois, voire des années. Hein. Et j'ai pu identifier César, qui est Wilfrid, l'archevêque d'York, Brutus, qui est non pas l'assassin de César, mais le fondateur de la République romaine. Un fondateur, parce que Geoffroy de Montmousse dit que la Bretagne était fondée par Brutus. Et en fait, Brutus s'est trouvé être Oswald, roi de Northumbrie, au 7e siècle, qui a introduit le christianisme. Bon, voilà. Et de fil en aiguille, j'ai pu voir quel était le propos de Geoffroy de Montmousse. Avant de le détailler davantage, on va écouter l'ouverture de King Arthur, l'opéra de Henri Purcell. Jean-Bernard Elzière est l'invité de David Christoffel sur la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Thank you. Trevor Pinnock à la tête de The English Concert and Choir dans l'ouverture de King Arthur d'Henri Purcell. Jean-Bernard Elzière, forcément, Purcell avait connaissance de Geoffroy de Montmousse pour construire cet opéra autour du roi Arthur, mais forcément il ne l'a pas compris, si l'on en croit vos découvertes. Disons que Purcell n'a pas dû s'intéresser probablement à Geoffroy de Montmousse, car le Arthur a été repris par un nombre incalculable d'auteurs par la suite, comme Thomas Malory, etc. Et donc, ce sont les œuvres qui découlent de celles de Geoffroy de Montmousse que connaissent les auteurs du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Geoffroy de Montmousse a été, je ne veux pas dire oublié, mais il a été... Mais ce qui donne effectivement aux auteurs de la Renaissance une vision que vous diriez donc erronée de Arthur ? Disons que ça n'était peut-être pas leur problème. Hein, Mais qu'est-ce que vous avez appris qu'eux ne savaient donc pas ? Comment ? Qu'est-ce que vous avez appris sur Arthur que, par exemple, personne ne pouvait pas savoir ? Oui. Personne ne sait que Arthur correspond à Waltheof. Oui. Je dis probablement, mais c'est pas pratiquement sûr, à Waltheof, qui a fini sa vie comme abbé de Melrose. Personne ne le sait, et personne ne sait quel est le propos de Geoffroy de Montmousse, parce que tout le Geoffroy de Montmousse, on parle du Pays de Galles, de Tintagel, etc., mais dans la cartographie, Tintagel, Caerleon, etc., Tintagel correspond à Glasgow, Caerleon à Saint-Andrews, Édimbourg, etc. C'est-à-dire, tout est codé. Et surtout, j'ai trouvé, c'est que Geoffroy de Montmousse travaille pour le compte de l'Église du nord de la Grande-Bretagne, les parties septentrionales de la Grande-Bretagne. D'ailleurs, je me suis rendu à un site épiscopal qui est un des premiers, d'ailleurs, qui a été détruit par les Normands, par les Vikings, plutôt, si j'ose dire, Lindisfarne. Alors, l'église septentrionale de la Grande-Bretagne, en gros, c'est pour les sites ecclésiastiques, c'est Lindisfarne, Glasgow et Saint-Andrews, sans parler de toutes les abbayes, les prieurs. Et en fait, Geoffroy de Montmousse fait l'histoire de cette église du 7e siècle jusqu'à lui-même, quoi. Voilà. Et tout cela en opposition à York, où il y a un siège métropolitain, et à Canterbury. Et Canterbury... c'est Rome dans le codage. Et quand Arthur se bat contre les Romains, c'est contre les gens de Canterbury, les ecclésiastiques de Canterbury. En fait, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que le récit est triplement codé, pour faire simplement. Hein. Il est codé dans les thématiques, dans le temps, dans la géographie. Dans les thématiques, tout ce qui est ecclésiastique est présenté comme guerrier, comme chevalier, des rois, des choses comme ça. Dans le temps, on vous parle, on fait mine de vous parler d'une période allant de la période de César, en fait bien avant, hein, parce qu'on parle des Troyens, etc., jusqu'à l'époque d'Arthur. Donc, on va dire en caricaturant du 1er siècle jusqu'au 6e siècle, mais en fait, il s'agit du 7e siècle au 12e siècle. Alors, l'écart, effectivement, des chronologies se creuse avec le Conte de Graal, qui est écrit à la fin du XIIe siècle, entre 1182, mais vous diriez plutôt vers 1190, et les événements arthuriens qui sont développés sont, dans ce qui est donné à lire, datés de la première moitié du VIe siècle, centré sur Perceval et Gauvin, et vous découvrez que, en fait, il s'agit davantage... de Philippe Ier, comte de Flandre, et d'Henri Ier, qui meurent eux-mêmes dans les années où est écrit le Conte de Graal, c'est-à-dire autour de 1190. Voilà. Donc, en fait, dans le Conte du Graal, vous avez deux personnages qui sont mis en parallèle, qui sont Perceval et Gauvin. Et c'est ce qu'on appelle un récit arthurien, mais il y en a d'autres, il y a plein d'autres récits arthuriens. Dans les récits que j'ai traités, il y a encore Geoffrey, qui est un texte en occitan, qui est plus tardif, de 1225. Voilà, et qui va traiter du mariage de Pierre d'Aragon avec Marie de Montpellier. Donc, pour en revenir au conte du Graal, il y a, par exemple, deux scènes extraordinaires dans ce conte, qui, en fait, j'ai vu, est probablement un récit cistercien. Il y a le fameux cortège du Graal que voit Perceval, et puis on lui pose une question, il ne répond pas à cette question. Et en fait, en décodant, entre guillemets, la chose, il s'agit... Alors, je passe sur tous les détails, je vous donne un peu des résultats de deux scènes extraordinaires. Il y en aura une autre dont je vais vous parler. Donc, le comte de Flandre a fait un voyage, un pèlerinage en Terre Sainte, à Jérusalem, mais il voulait y aller rapidement et faire un aller-retour parce qu'il voulait rentrer, on est vers 1179 environ, et en 1180, il compte prendre la régence du royaume de France, parce que Louis VII est en train de mourir, Philippe Auguste va arriver au pouvoir, et c'est le parrain de Philippe Auguste. Donc il n'a pas l'intention de rester en Terre Sainte. Et en Terre Sainte, tout va mal, c'est la catastrophe. Et quelques années après, il va aller voir la bataille de Hattin, où Saladin va prendre le royaume de Jérusalem, Jérusalem. Donc tout le monde attend de Philippe, comte de Flandre, dont les proches ont été déjà en Terre Sainte et ont joué des rôles importants, tout le monde attend qu'il prenne une sorte de régence. Et en fait, il refuse et il repart. Donc c'est et on va lui reprocher son retour. Voilà. À la même époque, parallèlement à lui, Henri Ier, comte de Champagne, celui qu'on appelle le libéral, va faire le même type de voyage. Et ce sera Gauvin, le personnage parallèle à Perceval dans le Comte du Graal. Mais je voulais surtout, il est très intéressant de vous parler d'une deuxième scène très importante dans le Comte du Graal que j'ai identifiée à mon corps défendant. C'est-à-dire que j'avais déjà identifié le contenu du Comte du Graal. D'ailleurs, je vous dirai après que quelqu'un, j'ai découvert tout à fait à la fin de mes travaux qu'une américaine, une universitaire américaine, au milieu du 19e siècle, vers 1950, en fait 1943, au milieu du 20e, a décodé la moitié du Comte du Graal. D'accord. Une universitaire, elle a publié, mais personne n'a voulu en tenir compte. Bon. Confortant vos hypothèses, en fait. Oui, confortant mon hypothèse, tout à fait, oui. Mais je ne la connaissais pas, parce que, vous savez, il faut... Vous avez redécouvert ce qu'elle avait fait. Voilà. Et alors, ce qu'il y a de très amusant, c'est que quand je rédigeais le chapitre sur le Comte du Graal, je suis tombé sur la fameuse scène, qui est très connue de tous les professeurs de littérature, en tout cas, du faucon attaquant une oie. Et l'oie blessée tombe sur la neige, elle met du sang sur la neige, la neige est maculée de sang, et l'oie réussit à repartir. Et cette scène est présentée, assiste à cette scène un certain nombre de personnages, dont Sagremort, peut-être même le roi Arthur, et Perceval qui est appuyé sur sa lance. Et quand il voit ça, il pense à Blanchefleur. Avec une description de Blanchefleur. J'étais en train de rédiger mon chapitre, déjà décodé, et je savais à quelle période on était. On était pendant l'année 1179, et au milieu de l'année 1179. Donc j'ai regardé ce qui se passait pour Louis VII, Philippe Auguste, au milieu de l'année 1177. Et il se trouve que tous ces gens-là, avec le comte de Flandre, se rendent à Canterbury, sur la tombe de Thomas Becket, qui a été assassiné 9 ans plus tôt, en 1170. D'accord ? Et donc, assez rapidement, je me suis dit, mais c'est probablement... Becket représente l'oie, le faucon, c'est Henri II, le roi d'Angleterre, qui est présent d'ailleurs à la visite de Louis VII et du futur Philippe Auguste. Et alors je me dis, mais pourquoi Perceval est-il appuyé sur sa lance et pense-t-il à Blanchefleur ? Alors, il se trouve que dans mes décodages, j'avais trouvé qui était Blanchefleur. C'était l'église de Cambrai. Parce que souvent, on est dans des allégories. Les femmes sont, dans bien des cas, pas des femmes. D'ailleurs, ce qui remet en cause probablement certains aspects de ce qu'on appelle l'amour courtois. Bon. Donc, Blanchefleur était l'église de Cambrai. Alors, je me suis dit, pourquoi pense-t-il à l'église de Cambrai en voyant cette scène ? Et en plongeant dans l'histoire des comtes de Flandre, de l'église de Cambrai, j'ai vu que 4 ans plus tôt, en 1175, l'évêque qui avait été nommé à Cambrai par Philippe comte de Flandre avait été assassiné sur le pont de Condé-sur-Escaut. Donc ce qui explique pourquoi Perceval pense à Blanchefleur en voyant la scène de loi, et etc. Voilà, un détail, mais pour dire qu'on a très souvent, dans ces décodages, des résonances et des choses qui confortent le travail que vous faites. Voici une version au piano de la Feierlicher Marche de Parsifal de Wagner. Thank you. Raël Rudy au piano dans la Feuerlicher Mar, extrait de Parsifal de Richard Wagner. Alors, Parsifal est donc l'équivalent allemand de Perceval, sauf que Wagner n'est pas lecteur de Chrétien de Troyes, mais d'un poète allemand, Wolfram von Eschenbach, qui est né en 1170, mort en 1220, donc qui est quand même de cette même période, que vous n'avez pas décodé Jean-Bernard Elzière, mais qui est aussi un roman courtois de cette époque, avec ce jeu, vous dites, de collage, qui raconte des événements historiques de façon allégorique. Voilà. On a beaucoup, pour tous ces récits, quand un récit a été créé par un auteur, comme la chanson de Roland ou bien d'autres, on a ce qu'on appelle des adaptations faites par d'autres auteurs qui vont se servir de la thématique pour parler d'autre chose. Donc, pour le Roland, on a un Roland allemand, qui n'a rien à voir dans le contenu avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur Guillaume le Conquérant et les Normands, etc. Alors, c'est le cas du Parsifal de Wolfram von Eschenbach, qui date plutôt du premier tiers du XIIIe siècle, et qui, je n'ai pas travaillé, mais je vais le faire probablement, semble raconter les guerres ayant opposé au début du XIIIe siècle, pour le trône du roi des Romains en Allemagne, Othon de Brunswick avec Philippe de Schwab. Et donc, ça se passe vers 1200-1205, et il est bien question du Graal, mais le château du Graal, tout est déplacé, la géographie est tout autre. On est dans la vallée du Rhin, avec Mayence, avec Spire, etc. etc. Hein, voilà. Alors, il y a un autre écrit de cette époque, enfin du XIIIe siècle, qui inspire Wagner, et que cette fois, vous avez décodé, c'est la chanson des Nibelungen. Et vous dites que donc pour le coup la version que Wagner travaille est largement mécomprise à son époque. Voilà, donc c'est encore une autre affaire que cette chanson des Nibelungen pour quelqu'un qui ne parle pas l'allemand. Alors, elle décrit la guerre des Burgondes et des Huns au cours de la première moitié du 5e siècle, et vous dites que l'histoire réelle, qui se trouve démasquée par vos enquêtes, est en fait un conflit qui a opposé entre 1247 et 1255 la comtesse de Flandre et le comte de Hollande, roi des Romains. C'était immensément difficile. Il m'a fallu des années pour rentrer dans ce texte. Comme toujours, on a un certain nombre de personnages, d'événements, de lieux. Une datation actuellement généralement admise de 1200 environ, ce qui s'est avéré être complètement faux. Donc, ça ne facilite pas le travail. Hein, quand on n'est pas dans la bonne période, puisqu'on veut corréler le contenu d'un texte à une histoire réelle, et si la datation admise actuellement est fausse, c'est très compliqué. Donc, je me suis dit, ça serait quand même très, très bien de pouvoir voir ce qui est derrière ce texte, si tant est qu'il est codé. Hein. Au départ, on voilà. Oui, donc, ça ne va pas de soi, forcément. Ça ne va oui. pas de soi du tout. Surtout que c'est très, très complexe comme affaire. Mais on a quand même beaucoup de villes, de lieux, et notamment une affaire, hormis bon, Siegfried, on a une querelle entre deux femmes, et on a deux fleuves. Bon, comme je pensais que ça se passait vers 1200, dans le monde germanique, puisque quand même le texte est en moyen-haut-allemand, je pense, on a plusieurs manuscrits, hein, d'ailleurs. Donc j'ai regardé ce qui se passait en Sicile, parce qu'on a beaucoup d'affaires en Sicile avec les empereurs allemands à cette époque-là. Bon, il n'y a pas de fleuve et tout, donc ça ne collait pas. Après, je me suis dirigé, pour vous dire, vers la Terre Sainte. Donc je n'ai pas été vers l'Allemagne tout de suite, hein. Vers la Terre Sainte, puisqu'on a aux croisades. Bon, je ne voyais rien qui pouvait coller. Puis après, je me suis retourné vers l'Allemagne. Et j'ai cherché où on pouvait avoir deux fleuves. Parce que généralement, autant la géographie est codée, mais les villes sont des villes, les fleuves sont des fleuves. Voilà, bon. Donc, le Main, le Rhin, Alors, bien sûr, dans le texte, on vous parle du Danube et du Rhin. Hein, mais comme c'est codé, ce n'est ni le Danube ni le Rhin. Généralement, un codage vous dit là où il ne faut pas aller. Hein. Donc, j'ai regardé tout ça de près. Alors, j'avais, il me restait le Main, la Meuse, l'Escaut. Bon, et l'affaire des deux femmes m'a beaucoup intéressé. Donc, j'ai, au début du XIIIe siècle, on a la bataille de Bouvines, la comtesse de Flandre, Grimilde, pas rapidement, parce que j'ai été obligé de décaler quand je faisais les corrélations, j'ai vu 1200, ça collait pas, 1220, ça collait pas, 1230, 1240. Et finalement, je suis arrivé, alors là, je vous passerai tout le détail, parce que j'ai consigné tout ça dans un journal de bord que j'ai tenu pendant de nombreuses années et qui fait maintenant plusieurs milliers de pages. Et finalement, j'ai pu identifier Siegfried avec Bouchard d'Avennes, qui était un diacre, et qui a engrossé la sœur de Marguerite, la sœur de Jeanne, comtesse de Flandre, Marguerite. Bon, et alors tout ça, c'est un rapport avec le Siegfried, le sang, le dragon, etc. Grimilde a pu être peu à peu identifiée avec Marguerite, comtesse de Flandre. Et comment vous l'avez identifiée, par exemple ? C'est par des approches successives, des corrélations. Mais oui, parce qu'on dit plein de choses. On parle de Gunther qui essaye d'épouser Brunehilde. Alors Gunther, j'ai réussi à voir qu'il s'agissait, parce que j'avais une géographie aussi peu à peu. Hein, donc j'ai vu que Worms, qui est la capitale des Burgondes, donc qui est sur le Rhin, était Liège, sur la Meuse. Et que le Danube correspondait à l'Escaut. Et peu à peu, il faudrait des heures hein, pour donner le détail du décodage. Mais en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que par exemple, Gunther veut épouser Brunehilde, qui est très difficile d'épouser. Il faut être capable de réussir tout un tas d'épreuves aux Jeux Olympiques pour épouser Brunehilde. Et il est aidé par Siegfried. Et je savais qui était Siegfried et je savais que Gunther, dans ce cas-là, était Henri de Gueldre, qui est devenu évêque de Liège. En 1247. Voilà. Et en fait, il s'est trouvé que Brunehilde n'était encore une fois pas une femme, mais que Brunehilde représentait les intérêts de l'église de Cologne, Cologne étant l'archevêché, l'église métropolitaine de l'église épiscopale de Liège. Donc quand l'archevêque de Cologne veut nommer un évêque à Liège, il veut un évêque qui va servir les intérêts de l'archevêché de Liège. Donc c'est très, très difficile d'obtenir l'évêché de Liège. Et donc Brunehilde et Gunther sont identifiés comme ça. Mais tout ça doit rentrer dans une cohérence générale, hein, de géographique, de personnages, d'événements. Et vous tirez un fil d'Ariane, si vous voulez, peu à peu. Hein. Auteur du livre « Le décodage des chansons de gestes et des romans courtois », Jean-Bernard Elzière est l'invité de la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Thank you. Extrait de l'Anneau des Nibelungen de Richard Wagner, c'était le voyage de Siegfried sur le Rhin dans la version de l'Orchestre de l'Opéra National de Paris dirigé par Philippe Jordan. Jean-Bernard Elzière, dans votre travail de décodage de la chanson de Nibelungen, si on prend un exemple, vous disiez que Gunther était en fait Henri de Gueldre, évêque des Liégeois, mais en fait les Liégeois sont recodés dans la chanson des Nibelungen comme les Burgondes, et qu'il est donc suzerain pour le comté du Hainaut, le Henri de Gueldre, alors que Gunther est autrichien. Donc toutes les allégories sont non seulement sur les personnages, mais ont donc des incidences géographiques. C'est comme ça que l'or du Rhin aurait dû être l'or du Danube. Alors le Rhin est la Meuse dans le décodage, oui. Et le Danube est l'Escaut. Ah, et l'Escaut, d'accord. Hein, donc en fait, quand Wagner parle du Rhin, il devrait parler de la Meuse dans la réalité. Mais lui ne sait pas du tout ce qui est caché derrière, puisque même Goethe ne sait pas ce qui est caché derrière la chanson des Nibelungen. En fait, personne ne le sait. Mais alors voilà, mais comment est-ce que vous expliquez de la part des auteurs du Moyen-Âge cette volonté de coder à ce point? C'était un plaisir littéraire dans votre hypothèse ? Alors, d'abord, un petit préambule. Le Das Nibelungenlied a été trouvé sur des étagères d'un château à la fin du XVIIIe siècle. Et quand on a apporté ces récits, ces manuscrits à Frédéric II de Prusse, il a dit qu'il faut les mettre à la poubelle, parce que ce n'était pas vraiment dans l'air du temps. Bon. Il y a un enjeu diplomatique. Pourquoi le codage, ma question? Ah oui, pourquoi le codage? Alors oui, c'est une fameuse question, pourquoi le codage? Donc, c'est bien de montrer que, enfin, de voir que ces textes sont codés, mais on peut se poser la question, effectivement, pourquoi sont-ils codés? Donc, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ces choses-là, donc je me suis rapproché de personnes qui connaissent bien l'Antiquité, le monde grec et le monde latin, qui m'ont dit que, que beaucoup d'auteurs de l'Antiquité et de l'Antiquité tardive, des Macrobes et autres, avaient défini ce qu'on appelait la fabula, la fable, ou la fiction, et qui était un genre... On raconte une histoire pour parler d'autre chose. Et donc, on a beaucoup de définitions d'auteurs antiques qui définissent ce genre. Donc, a priori, on a eu deux types de communication pour célébrer des personnages, des événements, des choses, qui étaient soit les chroniques ou les histoires réelles, soit de raconter ces choses-là de façon... codé, quoi, à clé. Hein. Et c'est assez amusant de voir que Saint-Augustin, alors parlant probablement plutôt sur un plan ecclésiastique, dit, alors je cite, hein, puisque j'ai sous les yeux, d'après une traduction faite par Pépin en 87, il dit « Le procédé allégorique permet tout à la fois de valoriser la vérité, d'exclure les indignes, de parler dans un langage compréhensible par tous, de stimuler la recherche et d'embellir la découverte. » Voilà. Donc oui, ça a des fonctions aussi bien esthétiques que démocratiques que... Voilà. Et surtout, on peut se poser aussi la question des cibles de ces écrits et de ces récits. Les cibles ne sont pas forcément le grand public, pas du tout d'ailleurs. Généralement, a priori, ceux qui sont visés par ces textes connaissent l'histoire qui est racontée. Ce sont des proches de l'auteur. Hein? Par exemple, on dit, par exemple, l'histoire des rois de Bretagne dont on parlait tout à l'heure, de Geoffroy de Montmousse qui raconte, qui concerne énormément le milieu cistercien, est connue par 250 manuscrits. Alors on dit, de tous les côtés, ce récit a eu un succès extraordinaire. Mais c'est peut-être pas ça la vérité. La vérité, c'est peut-être que tous les scriptoria cisterciens ont recopié ce texte. Et alors, pour revenir au point, on disait avant que le but, un des buts de ces fables est d'intéresser le lecteur, on a une anecdote qui est assez intéressante, c'est qu'un auteur, Césaire, qui est un moine cistercien à Eisterbach, en Allemagne, nous donne l'exemple de moines qui ont été sortis de leur somnolence par les histoires concernant le roi Arthur. Mais ça veut dire qu'ils ont quand même associé à l'histoire d'Arthur des récits chrétiens. Mais ils sont dans le monde, eux sont dans le monde qui est concerné par Geoffroy de Montmousse et par les récits arthuriens. Et ce que vous avez découvert aussi, c'est que certains récits du Graal, en fait, sont des récits de la Passion du Christ. Alors, vous parlez d'un des récits sur lesquels j'ai travaillé et donc décodé, et qui s'appelle « L'histoire du Graal » de Robert de Boron, et donc qui est le premier auteur, après Chrétien de Troyes, à parler du Graal. Et en fait, ce récit s'appelle « L'histoire du Graal » ou « Joseph d'Arimathie ». Bon. Et quand vous lisez ce récit, on vous parle de la Passion du Christ, on vous parle de Pilate, de Caïphe, du Christ, et il s'étend dans l'histoire qui est racontée, qu'on lit au premier degré, s'étend jusqu'à la venue de Titus et de Vespasien, donc dans les années 70 de notre ère, la destruction du temple de Jérusalem, etc. Et en fait, en décodant ce texte-là, j'ai pu identifier donc Joseph d'Arimathie, qui est Jean Ier d'Iblin. On est au XIIIe siècle, après la prise de Jérusalem par Saladin, et tous les barons, les évêques et francs sont à Acre, hein, on est au bord de puisque le royaume de Jérusalem est tenu par les musulmans. Et tous ces gens-là se réunissent et forment ce qu'on appelle donc dans ce texte les gardiens du Graal. Donc, ce qui est censé se passer à l'époque du Christ, dans la réalité, se passe au début du XIIIe siècle en Terre Sainte, hein, avec les barons de Terre Sainte. Et ce qui est très amusant, c'est qu'on parle du traître Judas dans ce récit, et que le traître Gida est probablement identifiable avec Ridford, qui est le grand maître des Templiers à l'époque de la bataille de Hattin. Donc, comme ce sont des textes, généralement, quand même, on est dans la mouvance cistercienne, hein, dans tout ça. Donc, c'est amusant de voir on parle toujours des Templiers comme étant des gens extraordinaires. On sait par ailleurs qu'ils sont en grande partie derrière la défaite de la bataille d'Hattin et la chute du royaume de Jérusalem par leur excessive volonté d'en découdre avec les musulmans et le non-respect des trêves passées avec Saladin, etc. quoi. Ce qui permet une autre écoute, une nouvelle écoute du récit du Graal dans Lohengrin de Richard Wagner. La roche Une version historique en français de Wagner avec le ténor Paul Franz dans le récit du Graal de Lohengrin de Wagner, donc pour relier avec votre travail Jean-Bernard Elzière de décodage des chansons de gestes et des romans courtois. On évoquait notamment comment le récit du Graal pouvait dans certaines versions en fait raconter la passion du Christ. À travers toutes ces découvertes, tous ces décodages, forcément il y a un pas qui est scientifique pour passer de quelques soupçons de corrélation à une validation, et pour ça vous vous êtes fixé un certain nombre de critères pour qualifier comme découverte telle ou telle analogie. Voilà, donc ce que je vais dire, ce n'est pas ce qui est apparu tout de suite. Hein. Après avoir travaillé sur donc la chanson de Roland et une quinzaine d'autres récits qui tous fonctionnent a priori de la même façon, ça a été très dur. Hein, chacun des récits, si j'ose dire, est décodé, on va dire, à 80%, hein, me semble-t-il. Après, ce qui n'empêche pas d'améliorer la chose, de discuter, de revoir des points, c'est, bien sûr, c'est évident. Hein. Mais comment peut-on caractériser cette découverte, si j'ose dire, si découverte il y a, eh bien on peut la caractériser, me semble-t-il, par cinq points, voilà. Le premier étant que ce sont des récits à clé, tous ces récits sont des récits à clé qui sont des créations d'auteurs. Hein, c'est-à-dire que d'auteur. L'auteur a pleine initiative sur ses procédés, voilà, de codage. Comme Eiffel qui fait la tour Eiffel. Hein, il a pleine initiative sur ce qu'il va mettre, ce qu'il va utiliser, etc. Donc, s'il va parler de Charlemagne, il peut très bien parler de César ou d'Auguste ou d'Alexandre le Grand à la place. Il va choisir comme fait une agence de communication qui fait du brainstorming pour lancer une campagne, si vous voulez. Il choisit un sujet. Hein. Donc, il va donc raconter une histoire, ça peut être l'histoire du Graal ou je ne sais quoi, et beaucoup de ces récits sont des récits historiques. Il va faire semblant de parler d'Arthur au VIe siècle, ou il va faire semblant de parler des Burgondes et des Huns au Ve siècle, 435, où il va faire semblant de parler du passage des Pyrénées et de ce qu'il y a avant-après par les troupes de Charlemagne en 778. Bon, alors, voilà. Et pour cet auteur, va utiliser des masques allégoriques ou métaphoriques, hein, pour les personnages, pour les lieux, pour les situations. Par exemple, les femmes peuvent représenter des communautés ecclésiastiques ou leurs intérêts. Une seule femme, en fait, peut être le nom d'une communauté. Voilà. Voilà. Ça peut être un codage. Par exemple, dans la chanson de Roland, a priori, quand Arthur, blessé à la bataille par Modred, que j'identifiais comme étant Henri de Winchester, le frère du roi d'Angleterre, Étienne, Arthur va se réfugier auprès de Morgane, qui va soigner ses blessures. Et Morgane, c'est la communauté cistercienne dans ce cas-là. Mmh. Hein. Et Guenièvre, c'est la communauté des chanoines augustins, etc. etc. Bon. Les épées, par exemple, sont des symboles de commandement, ou peuvent être des symboles de commandement, ou autre chose. Par exemple, Durandal, pour Roland, c'est le symbole d'un commandement militaire. Calibur, pour le roi Arthur, c'est le symbole d'une crosse épiscopale ou abbatiale. Bon. Mais ça, par contre, il y a récurrence de ce code-là, d'un auteur à l'autre, le fait que la chevalerie code des ordres ecclésiastiques. Mais non, a priori, chaque auteur est complètement libre de faire les codages qu'il veut. Oui, mais c'est souvent quand même dans ce sens-là. Il y a des grands traits de codage, mais il est complètement libre. C'est-à-dire, on ne va pas dire qu'un personnage... Voilà, il y a des personnages qui sont... je vous parlais tout à l'heure de Joseph d'Arimathie, qui est Jean Ier d'Yblin. On le retrouve dans le codage de Geoffrey, qui concerne Pierre d'Aragon et Marie de Montpellier en 1204, où il devient félon d'Auberu. Dans Geoffrey... Jean Ier d'Yblin est félon d'Auberu. Et là, c'est un ennemi. Pour ceux qui célèbrent Pierre d'Aragon, félon d'Auberu, dans le texte, est un ennemi de Geoffrey. Et pourquoi ? Et alors, félon d'Auberu, félon, donc c'est un ennemi, et d'Auberu, parce que Jean Ier d'Yblin, en 1205, est fait seigneur de Beyrouth. Donc la résonance, Auberu, Beyrouth. Alors oui, il y a un autre point commun que vous relevez à travers les différents codages, c'est la proximité historique qu'il peut y avoir entre le moment du récit et les événements auxquels il se réfère. Voilà, c'est souvent des événements contemporains avec une distance qui peut aller jusqu'à une soixantaine d'années. Hein. Ce qui peut paraître beaucoup quand même pour l'époque, mais... Pour nous. Mais par exemple, Turold, qui à partir de 1110, on va dire, s'occupe d'écrire la chanson de Roland, il va relater des événements qui se passent en 1070, c'est-à-dire 1110-1070, mais enfin, il est concerné. Voilà. Et assez fréquemment, on a des choses comme ça. Par exemple, j'ai un texte qui s'appelle Florimond, qui célèbre les seigneurs de Beaujeu. Il est fait vers les années 1220-1230, et il célèbre les seigneurs de Beaujeu comme... avoué de l'abbaye de Savigny dans la région de Lyon. Et en fait, les événements qui sont racontés pour faire cette célébration se passent dans les années 1160. Hein? C'est-à-dire, on est à 60 ans près. Là, hein? Bon, alors, je reviens sur les points caractéristiques. On a déjà cité trois, c'est-à-dire que le récit à clé est créé par l'auteur, qu'il utilise d'autre part des masques allégoriques, métaphoriques, et puis donc qu'il porte sur des événements contemporains. Voilà. Et alors, le point qui est très important, un des points qui est très important, c'est qu'on est toujours... Il y a un objectif. Et ce qui m'a aidé à comprendre d'ailleurs tout ça, honnêtement, c'est parce que j'ai enseigné à une époque la conception de produits. Et en fait, ces récits sont de véritables produits, avec des commanditaires ou des auteurs, des moyens mis en œuvre, des objectifs, etc. Ce n'est pas un troubadour génial qui écrit 4000 vers de la chanson de Roland sur un coin de table. Mmh. Hein, voilà. Donc, le quatrième point très important, c'est qu'ils sont toujours, pratiquement, ils ont des objectifs de célébration mémorielle. Mais vous voulez dire que le troubadour sur son coin de table, il a une commande pour... à l'occasion d'un événement, célébrer quelque chose. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas un troubadour qui s'amuse et qui passe un petit moment à écrire 4000 vers sur une histoire qui n'a aucun sens. Ce n'est pas du tout ça. La chanson de Roland, et peut-être que Turold, l'ancien évêque de Bayeux, si c'est lui, d'ailleurs, je vais faire un commentaire après peut-être sur la tapisserie de Bayeux, mais ce Turold a peut-être passé 20 ans de sa vie sur ces 4000 vers. Mmh. ce qui n'est pas impossible. Voilà, alors oui, puisqu'on parle de Turold, il est peut-être intéressant de noter que depuis fort longtemps, on se pose la question, qui est l'auteur de cette fameuse tapisserie de Bayeux ? Alors je me demande quand même, étant donné qu'on a un cartouche au milieu de la tapisserie de Bayeux, sur lequel il y a écrit Turold, qu'on est à Bayeux, et que c'est le même, cette tapisserie raconte en clair, célèbre la conquête de l'Angleterre, donc je me demande si, c'est probablement ça, à mon sens, mais beaucoup de gens vont me tomber dessus quand je dis ça, mais que l'auteur, le commanditaire de la tapisserie de Bayeux est probablement le même personnage, l'ancien évêque de Bayeux, Turold, qui a fait la chanson de Roland, qui a écrit la chanson de Roland. Alors, pour revenir aux quatre points, là, le cinquième concerne les cibles qui sont probablement des cibles proches de l'auteur, qui savent ce dont il s'agit, donc qui n'ont pas à faire un décodage excessif. Hein, voilà. Alors, effectivement, ces cinq points, qui sont tous méconnus ou inconnus de nos jours, font que ces récits sont a priori des fables et des fictions à caractère allégorique, comme on les connaît depuis l'Antiquité, depuis Virgile ou d'autres auteurs. Hein. Mmh. Vous avez le projet de vous atteler à la figure de Tristan ? Oui, bien sûr. Oui, je pense que c'est un petit peu Tristan et Iseut. À vrai dire, j'ai des idées très précises sur le contenu de cette œuvre, mais c'est assez compliqué parce que, en fait, cette œuvre, on ne dispose pas de manuscrit complet. On a des bribes. Donc, Tristan et Iseut, le récit a été reconstitué par Joseph Bédier. À partir de là, j'ai pu aussi décoder qui est Marc de Cornouailles, Tristan, Iseut la Blonde, Iseut au Blanchemain. Je sais ce dont il s'agit, mais je ne tiens pas trop à en parler actuellement pour garder le... Le sel pour quand vous l'aurez un peu voilà, plus consistant. Voilà, oui. Pas la peine de donner du... On va tout de même écouter la mort d'Isolde de Wagner. Thank you. Jean-Bernard Elzière est l'invité de David Christoffel sur la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Birgit Nilsson dans La mort d'Isolde, extrait de Tristan et Isolde de Richard Wagner dans la version dirigée par Karl Böhm avec l'orchestre du festival de Bayreuth. Jean-Bernard Elzière, pour terminer, vous vous sentez parfois, dites-vous, comme le personnage de Percy dans A Small World de David Lodge, qui est un roman dans lequel un étudiant qui s'appelle donc Percy, ou plutôt Perse McGarrigle, vient de terminer un mémoire sur Thomas Stearns Eliot et son poème La Terre Gaste, pour faire écho au conte du Graal de Troyes, et pose une question embarrassante à un vieux professeur de littérature, Arthur Kingfisher, qui animait une table ronde consacrée à la fonction de critique, cela dans le cadre d'un congrès universitaire anglo-saxon censé s'être tenu en 1979. Tout ça pour dire que vous-même avez interpellé la communauté universitaire sur vos découverte et que votre crédibilité était comme tuée dans l'œuf, c'est-à-dire que l'hypothèse même d'un décodage était carrément irrecevable par principe auprès des interlocuteurs que vous avez eus. Oui, à tel point que lors de ce colloque, où j'étais effectivement peut-être le seul à ne pas être du sérail, si j'ose dire, où il y a les plus grandes têtes pensantes de la littérature médiévale, j'ai posé la question « qui tu es ?» en disant « est-ce que, par hasard, les personnages dont vous parlez ne seraient pas d'autres personnages masqués ?» Et aussitôt, on m'a dit « mais vous n'y pensez pas, c'est impossible, si on parle d'Alexandre, il s'agit d'Alexandre, si on parle de Charlemagne, il s'agit de Charlemagne, et de toute façon, c'est l'heure de la pause, voilà, donc tout s'est arrêté là, et ça m'a bien amusé. Ce qui est intéressant, c'est ce que l'on pense du coup de ces textes aujourd'hui, parce que ce que vous nous montrez, c'est que ce sont des fables qui assument en même temps, en étant codées, quand même un rôle de chronique historique, là où le rejet sans ménagement de l'hypothèse d'un décodage revient à considérer que ce sont des récits légendaires qui se sont colportés de génération en génération sans jamais avoir de source historique. Voilà, donc effectivement, ce travail met au jour un certain nombre de choses et avec des apports qui peuvent être très intéressants quand tout cela sera pris au sérieux. Notamment, un certain nombre de récits peuvent être autrement datés. On a parlé tout à l'heure de la chanson des Nibelungen qu'on date actuellement de 1200 et qui daterait plutôt des années 1260. On a d'autres exemples de ce genre-là. On a aussi une possibilité d'identifier un certain nombre d'auteurs, puisqu'on sait, on arrive à savoir ce qui est raconté dans le texte. Donc j'ai pu le faire, par exemple, pour la chanson des Nibelungen, où je propose de voir dans l'auteur Guillaume de Riquel, qui était le chapelain de Guillaume, comte de Hollande, roi des Romains, et qui a terminé sa vie comme abbé de Saint-Tron, Saint-Tron étant à côté de Liège, et qui serait mis en scène, il se serait mis en scène, ou tout du moins ceux qui l'a fait travailler le mettent en scène, sous le masque de Volker von Alzey, joueur de vielle, et Alzey étant à proximité de Worms, puisque Worms est Liège. J'ai aussi, très amusant, dans le cadre de l'identification d'auteurs, on a un texte qui s'appelle Renaud de Montauban ou Les quatre fils Aymon, qui met en scène Pierre, qui célèbre Pierre de Dreux, comte de Bretagne, qui est représenté d'ailleurs sur le transept sud de la cathédrale de Chartres, qui est Cologne dans le texte. Et on est au bord du Rhin, donc Cologne, Rhin, c'est l'Eure. Et sur le Rhin, un peu plus haut, donc sur l'Eure, il y a Dreux, où sont les cœurs des comtes de Dreux. Et à la fin du texte, on dit que ce texte est rédigé à Trémoigne, donc à Codage, au bord du Rhin, Trémonia étant le nom latin de Dortmund qui est au bord du Rhin. Et donc on peut tout à fait imaginer que Dortmund soit le codage de Dreux et que le récit ait été codé par les chanoines de Dreux, de la collégiale de Dreux. Voilà. Donc là, c'est dans le deuxième point, j'ai dit nouvelle datation, possibilité d'identifier des auteurs anonymes. Hein. Je ne savais pas, mais un auteur anonyme, c'est un auteur qui se cache. Ça n'est pas un auteur qui ne dit pas son nom. C'est un auteur qui ne veut pas qu'il sache qui il est. Hein. Par exemple, la chanson de Nibelungen, elle est donnée comme anonyme, Oui, voilà. Mais et en je fait... trouve, je, a priori, je peux trouver l'auteur. On peut trouver l'auteur. Et j'ai pu proposer des auteurs aussi pour le Guillaume de Narbonne, qui se décline en plusieurs textes, hein, qui sont très connus. Guillaume de Narbonne, on a les enfances Guillaume, le couronnement de Louis, le charroi de Nîmes, la prise d'Orange. Donc, a priori, l'auteur serait Thibaut de Blason, qui est un chevalier de la vallée de la Loire et qui est le neveu de l'évêque de Poitiers. Alors, autre point, donc on a parlé de nouvelles datations, de possibilités d'identifier des auteurs anonymes, bien sûr une compréhension des contenus, on en a largement parlé, une compréhension du sens des œuvres et des objectifs de célébration mémorielle, et bien sûr, ce qui est extraordinaire, de nouvelles sources historiques. Quand vous pensez qu'on a des dizaines et des dizaines de romans courtois et de chansons de geste qui racontent des histoires vraies, une fois décodées, ce sont des nouvelles sources historiques. Et le tout dernier point qu'on peut évoquer, c'est le grand intérêt pédagogique qu'on peut avoir dans l'enseignement actuel avec une interaction entre les professeurs de français et les professeurs d'histoire pour parler de certains de ces textes qui, et j'ai vu des jeunes me dire ça, la chanson de Roland ne les intéressait pas du tout, mais quand je leur racontais le contenu, je me disais, mais c'est passionnant, c'est extraordinaire. Et c'est d'ailleurs ce que disait saint Augustin quant aux vertus de l'allégorie, comme vous l'avez très bien démontré. Merci beaucoup, Jean-Bernard Elzia. C'est moi qui vous remercie. Thank you. Pour finir cette édition des experts, Gilles Charlassier débriefe l'émission. C'est un travail hautement iconoclaste que vient de nous présenter Jean-Bernard Elzière dans Décodage des chansons de gestes et romans courtois au XIIe et XIIIe siècle. À rebours de la lecture traditionnelle, Jean-Bernard Elzière soutient que tout ce pan de la littérature est en réalité codé et que ce codage est politique. À la manière d'un scientifique, il éprouve l'hypothèse qui lui était suggéré par la chanson de Roland, avec une quinzaine de textes, qu'il soumet à l'encodage-décodage, à partir d'un protocole semblable au système d'équations mathématiques avec multiples inconnus. De son aveu même, le décodage ne résout pas toutes les énigmes analogiques, mais avec 80% de solutions, il estime que la méthode est suffisamment opérante pour être prise au sérieux. Si elle prend en rebours la vision que l'on a du corpus des chansons de gestes et des romans courtois, cette lecture n'est pas pour autant déconnectée des pratiques renseignées par l'histoire. Dans l'Antiquité grecque et latine, la fictio permettait de raconter une histoire pour parler d'autre chose, et les vertus esthétiques et politiques de ce genre avaient été soulignées par saint Augustin. Ainsi, le Moyen-Âge relaterait-il les faits historiques soit sous le mode de la chronique, soit de façon codée. Cet encodage s'inscrit dans la mouvance cistercienne et le public, à une époque où l'imprimerie n'existe pas encore, et d'abord la communauté de monastères, ce qui n'est pas sans effet sur la codification elle-même. Souvent la dame que l'on doit conquérir représente, en réalité, une institution, une église, un évêché. Les défis amoureux recouvrent donc des enjeux politiques. Ces récits attelés, qui ont ainsi une valeur historique cachée, présentent des récurrences et des grands traits communs de codage. Ils assument des fonctions de célébration mémorielle. Une telle découverte rencontre inévitablement la résistance de l'institution universitaire, qui refuse même de l'examiner. Il est vrai qu'elle remet en question des opinions établies, entre autres la datation des textes. Elle permet pourtant d'identifier des auteurs anonymes, qui ne sont alors que masqués, et de constituer de nouvelles sources historiques. On peut même y trouver des bénéfices pédagogiques en autorisant des passerelles entre l'histoire et la littérature, qui peut réveiller l'intérêt des élèves, comme ces récits épiques pouvaient sortir les moines de leur torpeur dans leurs cellules, ou comment l'imagination seconde la connaissance historique.